436. Observation. Present indicative of the verb être. Ils sont américains. Moi, je suis brésilien. Vous êtes français? Nous, nous sommes américains. Il est à l'aéroport. Sont, suis, être, sommes, and est are forms of the present indicative of the verb être. Je suis, nous sommes, ils sont, tu es, il est, vous êtes.